des millions, je fais des millions. Tu es riche, riche, c'est mon seigneur. Tape de busy, oh, c'est le fait qu'il est mignon. Je reste, c'est mon seigneur. Et je reste, c'est mon seigneur. Tape de raison dans la maison. J'sors jamais sans mon fusil, jamais sans ma placard. Le premier qui pète un fusil, c'est le premier qu'on va hacker. Les billets sont dans le fourgon, les billets dans le goudron. Les prières pour ma brother, mon spatière dans ma casa. J'suis riche, riche, c'est mon célèbre. Riche, riche, c'est mon célèbre. Riche, riche, c'est mon célèbre. Riche, riche, c'est mon célèbre. J'suis riche, riche, c'est mon célèbre. Riche, riche, c'est mon célèbre. Riche, riche, c'est mon célèbre. J'suis riche, riche, c'est mon célèbre. Tout c'est pillé, 9 de easy, tout est plié. Y'a que ma mère qui peut me marcher dessus, car le paradis est sous ses pieds. Le temps, c'est de l'argent, j'ai mis de la coke dans le sablier. J'suis allongé où tu n'as pas pillé, car tu seras tombé car tu n'as pas pigé. Mes réunionnais, mes entiers, tous les bandits artis en ont chié. Et ne sortiront pas entiers, sur la tête de mon canoncier. Maintenant tu as peur, tu veux négocier, vite dans la bouche tu vas t'égosiller. Arme de guerre dans mon cocotier, 3 pitbulls pour t'autopsier. Viens me sucer, j'te paye ton billet. Banane plante un poisson gris entre le plomb et mon nouveau gilet. Carasse à la main comme un Hugo Gilet. J'ai resté dans la télé. J'sors jamais sans mon fusil, jamais sans ma placard. Le premier qui pète un fusil, c'est le premier qu'on va hacker. Les billets sont dans le fourgon, les billets dans le goudron. Les prières pour ma brasa, mon choix de pierre comme un gaza. J'suis resté dans mon célèbre. J'ai liké des comptes tartés sur Instagram, je me suis fait crier. Des meufs savent les calendriers, tous avons braqué ou dealé. La conscience qui nique sa mère, pendant que son père m'en suce sanglier. Jamais en garde à s'en nier, je commettais des crimes pour pas m'ennuyer. Je pars en vacances quand bon me semble, Nikoumouk le mois de juillet. Nikoumouk aussi le mois de août, le compte en banque, star les ouf. La vérité sort de nos bouches, peuple de bois, il parle tout. J'ai craché donc va t'habiller, premier round elle rassasiée. Rap français et qu'à dire, leur dieu il a assassiné. Je suis plus qu'un bon que t'habiller, Ibrahim on t'a pas oublié. Je suis un carbone, un paré boss, RPG, je suis joli. J'sors jamais sans mon fusil, jamais sans ma placard. Le premier qui fait un fusil, c'est le premier qu'on va hacker. Les billets sont dans le fourgon, les billets dans le goudron. Les prières pour ma brasa, mon choix de pierre dans ma casa. J'suis riche, riche, c'est mon célèbre. Riche, riche, c'est mon célèbre. Christ, Christ, mon célèbre. Christ, Christ, mon célèbre. Christ, Christ, mon célèbre.